répété des coupes la seule journée, j'ai hâte de parler. Je veux ta voix sans balle, je veux téléphoner. Donne-moi plus qu'un petit ticket d'oreille pour aller balader. Parler, parler dans l'Ijapon. T'as pas besoin de sonner, demande un interphone. Si t'as envie quelqu'un, décroche ton téléphone. Téléphone, téléphone, téléphone, téléphone, téléphone, danser. Joue ton électrophone. T'as pas besoin de gueuler, devant nos mégaphones. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Dans l'aquarium, mais faudra qu'entre nous je casse. Pessiglace, qu'un jour même je te regarde en face. Que je raconte l'histoire du petit ticket trouvé, qui n'a jamais vraiment marché pour aller se balader. Allez parler, parler dans l'Ijapon. T'as pas besoin de sonner, demande à l'interphone. Si t'as envie de quelqu'un, décroche ton téléphone, téléphone, téléphone, dadan, dadan, de danser. Tu ton électrophone. T'as pas besoin de gueuler devant nos mégaphones. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Allez, une dernière. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Sur la terre, ça fait longtemps qu'on s'ennuie si bas. On s'en va faire un petit tour sur la mer, voir si les filles sont plus belles là-bas. Et si c'est la forme, on fera le tour de la terre. On ira voir si c'est pareil là-bas. S'il y a des fous qui ont pollué la mer pour des profits, ils feraient n'importe quoi. On leur en veut, on a la haine sévère. Pas de pitié, faut pas rester comme ça. Faudrait qu'ils souffrent, qu'ils implorent père et mère. En attendant, tous ensemble, on se fera. Une bouteille de rhum et un pain de bière. Une bouteille de rhum et un pain de tabac. Une bouteille de rhum et un pain de bière. Une bouteille de rhum. Ils ont tué, ils ont souillé la mer. Pour des profits, ils feraient n'importe quoi. Ils n'hésitent pas, ils vendraient même leur mère. Leur faire leur frère, même au cours le plus bas. Et nous on s'en va, à l'autre bout de la terre. Si on y pense, promis on écrira. On a chargé à bord nos petites affaires. Si quelque chose bon qu'on en trouvera là-bas. On en verra, un peu d'eau de leur mère. Elle est très propre, pour ça changera. En attendant, pour vous on lève nos verres. À votre santé, bien à vous les petits gars. Une bouteille de rhum et un paquet de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. Une bouteille de rhum et un paquet de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac.

douceur. Une intelligence sur eux-mêmes, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Five, four, three, two, one, zero. Here comes the music. We're online. Destroy my brain.

va. Maintenant, je vivrai sans frein pour toi. Un instant, 50 ans, tu verras. Don't waste the time to make up your mind. I'm the one you wait. bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes dans l'émission Marika depuis 19h. Hein. L'air de rien, comme ça, on écoute plein de musique, on se laisse guider. Justement, je vous propose plein de bonnes musiques. D'ailleurs, on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a pu écouter depuis le début. Alors, depuis le début de cette émission, aujourd'hui, c'est l'édition numéro 565. Et nous avons écouté Roxy Moore avec un morceau de téléphone que vous avez forcément reconnu, qui s'appelle Igiaphone. Ensuite, on a continué avec Les Oreilles qui saignent, Une bouteille de rhum, une chanson de notre ami David McLean. Les Heavy Bird avec Je ne veux pas rester sage. Voilà, d'ailleurs, je vous le conseille pas. Hein. Il faut de temps en temps être autrement que sage. Hein, parce que bon, sage, ça va un petit peu. Et surtout, le week-end, il faut un petit peu se rebeller. Voilà. Les Il Valait avec WhatsApp. Les Shaking Mets. Alors, on va découvrir, c'est le nouvel album des Shaking Mets. Hein. Je l'ai reçu cette semaine. Francis, le chanteur, me l'a envoyé. Et donc, ça s'appelle... Je sors mes petites notes. Alors ça s'appelle Birth, Life and Death. Voilà, et on a écouté déjà le premier morceau qui s'appelle Birth. Et on va écouter au fur et à mesure de l'émission. Il y a une émission qui dure 3 heures, donc c'est l'émission Mavrica le vendredi soir à partir de 19h jusqu'à 22h. Et donc toutes les heures, on va écouter un petit morceau des Shaking Mets. C'est l'album que l'on va découvrir ce soir. Voilà, on a écouté aussi Pulling the String avec Something, les Mockingbird avec le fameux morceau des Pink Floyd, superbement interprété en tout cas par les Mockingbird, c'est le morceau Money. On a écouté aussi Sika avec Enjoy, Clem Chuteau avec Tes yeux se posent sur moi, et à l'instant le petit morceau très dense là, bien agréable, qui s'appelle Reborn. C'est un morceau qui a été écrit par notre ami Phil Cool et qui est interprété par Christy avec c'est notre DJ, voilà, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Gilles Sedig, qui a mixé tout ça. Donc voilà, une très bonne collaboration entre plusieurs personnes et qui nous donne un super morceau qu'on écoute déjà depuis quelques semaines dans l'émission Mavrica. Juste après, on va revenir dans les années 80, 90, je me souviens pas exactement. En tout cas, la semaine dernière, je vous ai déjà diffusé ce morceau-là. C'est le morceau 404 des Civil Radio. Et franchement, ça m'a fait plaisir de vous le faire découvrir pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et voilà, ça fait toujours du bien à écouter quand on le connaît déjà. Donc les Civil Radio avec 404. Juste après, ce sera les RNCs avec You Can Shake. Vous êtes dans l'émission Marika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Et vous pouvez aussi nous écouter sur le www.radio-arc-en-ciel.fr ou comme. Les deux, ça marche, voilà, très bien, c'est le point commun en vérité. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à 22h, plein de bonne musique. Vous pouvez nous laisser un petit post sur le Facebook de l'émission Mavrica, vous cherchez Mavrica Albino, bah, c'est l'émission, hein, c'est le Facebook officiel. Vous laissez un petit message et vous pouvez retrouver tout au long de l'émission, je le fais au fur et à mesure, hein, le programme de cette émission numéro 565 du vendredi 25 août 2023. Voilà, juste après, les Civil Radio.

C'est comme ça pendant tout l'été sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Je vous diffuse ce morceau qui s'appelle Sugar Baby Love. C'est le titre, c'est le nom du groupe. Hein. C'est des anciens du groupe Rebette, ça, si vous vous souvenez bien, et qui ont repris un petit peu la musique et qui nous sortent ce morceau qui s'appelle Honey Love que nous écoutons donc tout l'été. Juste avant, c'était les Customs avec Rock and Roll Party. Encore avant, c'était les Noitol avec I Don't Care. Encore avant, c'était les RNCs avec You Can Shake, et on avait commencé cette série musicale avec les Civil Radio 404. C'était en 1984, ça ne nous rajeunit pas. Hein. En tout cas, c'était tiré du vinyle, hein. C'est pour ça qu'on entendait les petits craquements bien agréables des vinyles sur Radio Arc-en-Ciel. On va continuer avec encore de la bonne musique, par exemple le groupe Narcos avec Erreur de Casting, et juste après, ça sera un nouveau nom dans le dictionnaire, le groupe Dérapade avec le titre Dérapade. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Pensez jouer des plombiers. à la main. Je frise la panique. Le concert démarre. On envoie la musique. Et les musiciens jouent de façon diabolique. Je pose ma voix sur des notes magiques qui embarquent le public. Ma vie était un temps de ruine. Toute cette merde pour l'amour du spleen. Je crois que j'étais la victime d'une erreur. Je crois que j'étais la victime d'une erreur. Je crois que j'étais la victime d'une erreur de casting. Dérapade, vous aussi dans la vie de tous les jours, vous pouvez utiliser ce mot-là. Maintenant, on va téléphoner à l'Académie française pour qu'il soit admis dans le dictionnaire. Voilà, dérapade. Juste après, on va écouter La Jarry avec Sur mon étoile. Et encore après, ce sera Les grenouilles de notre ami Stéphane Acoustique. toi, refaites parler la poudre, et vous resterez là. Tous les rêves se comptent sur mon étoile, et la lune se décroche sur mon étoile. Y'a les mille autoroutes sur mon étoile. Chanson, plus je l'écoute et plus je l'apprécie. Il s'agit de notre ami Stéphane Acoustique avec Les Grenouilles. C'était un morceau enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de son passage que Stéphane a remixé dans son petit studio, qu'il a remasterisé un petit peu. Et c'est le morceau qu'on écoute, hein, donc un morceau que vous n'écouterez jamais que sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Voilà. Donc on va continuer avec un autre groupe que nous avons reçu il y a quelques temps, qui a participé au dernier Mavrika Live. Il s'agit du groupe Melody Road. Et on va écouter un morceau qui s'appelle X-O-N-O. Je ne sais pas si je le dis bien. Enfin, elle le dit beaucoup mieux que moi. On va écouter Johanna, la chanteuse du groupe Melody Road. Well, their hearts get breaking and they hit just to roll. You know, that's how the story goes. One, two, three, they're gone and run back to me. Cause I'm the best baby daddy never gotta keep. One, two, three, they're gonna run back to me. There's always wanna come, but they never wanna live. Exes and the uh-ohs, they want me. Like uh-ohs, they want me. To make them all, they won't let go. My exes and the uh-ohs, they want me. Like uh-ohs, they want me. Avec Lover Song juste avant, c'était le deuxième volet. Hein, donc tout à l'heure, je vous ai présenté un morceau des Shaking Mates. Donc ils ont sorti un album qui s'appelle Birth, Life and Death. Voilà. Et on a écouté tout à l'heure, en début d'émission, on a écouté le titre Birth. Cette fois-ci, on a écouté le titre Life. Et on se quittera pas sans écouter le troisième volet, donc Death. Voilà, de les Shaking Mates. Encore avant, c'était les Uncle Bikers, Bad Juicy and Blue. Et encore avant, c'était les Melody Road avec X's and O's. Voilà, je le dis beaucoup mieux. En tout cas, le morceau que vous venez d'écouter des Brunettes, c'est un morceau inédit, hein, qui a été enregistré spécialement pour être diffusé dans l'émission Mavrika, puisqu'ils sont venus cette année dans nos studios. Et puis, de toute façon, ils sont toujours bien les bienvenus, en tout cas, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va continuer avec un autre groupe qui fait partie de la même association, hein, Le Frigo. Il s'agit du groupe Yeti qui a participé au Mavrika Live numéro 12 le 10 juin 2023. Voilà. Et le morceau qu'on va écouter, bah, c'est le morceau habituel, hein, que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Maze. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika.

t'es brisée. Tu parlais de la mort, qu'elle viendrait te chercher. Je croyais que l'amour pouvait te sauver. Oui, je l'aime et je manque de temps. De temps. sera éternel. Everywhere. avec Angéline Anonier, voilà une artiste qui était venue déjà deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. À chaque fois on passe un des moments, on prend des belles photos en tout cas. Elle a partagé d'ailleurs une photo prise dans les studios il n'y a pas très longtemps avec Radio Arc-en-Ciel. Juste avant, c'était Alex Levail avec Je me défends. À propos d'Alex, il sera notre invité la semaine prochaine. On va commencer la rentrée scolaire avec lui. Donc ça sera le 1er septembre, vendredi prochain, donc dans l'émission Mavrica, l'édition numéro 566, si je ne me trompe pas. Donc on écoute un morceau qui s'appelle Je me défends, et Alex, on le retrouve vendredi prochain. Et avant encore, c'était le slow de l'été, je vous le diffuse depuis pas mal de temps, et tout l'été on va l'écouter. C'est un morceau qui s'appelle No More Tears, et c'est le groupe Prisma qui l'interprète. Voilà, en plus on va le dédier à une personne, voilà, que on va faire une petite dédicace à Valérie, donc c'est pour elle. No More Tears. Encore avant, c'était Yavanna avec le titre Reste. Encore avant, c'était Drive to Amnesia avec un morceau qui s'appelle Better Life. On continue avec de la belle musique sur Radio Arc-en-Ciel jusqu'à 22h. On va écouter Planet of Pixies avec Where is My Mind. Et juste après, ce sera les Burning Head avec Break Me Down. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrica. Stop! choisis ton destin. Dans le ciel qui flambe. Every night I say. We'll be right back. groupe Jache avec On My Lips. Juste avant, c'était Ombrage avec The Old Rain. Encore avant, c'était Liberty Head avec Break Me Down. Et juste après, on va écouter Arno Walden avec un morceau d'un ancien album qui s'appelle Another Life. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Thank you. réécouter les Blues Factory avec I've Got My Mojo Working. Juste avant, c'était Chili Dogs avec Nightmine. Et juste après, on va écouter un autre groupe de la région orléanaise qui s'appelle Strong Come Hans. Et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est Underworld. Et encore après, il y aura les Red Duff avec le titre Faune et Comintern Sect avec Que restera-t-il de toi. avec le titre Faune, voilà. Justement, à propos de Red Daff, il y a aussi l'association Red Daff qui organise, vous le savez, dimanche 10 septembre 2023, donc dans quelques semaines, il y aura donc la brocante, le rock'n'roll, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc il y aura trois groupes qui seront là pour interpréter des morceaux en concert, puis ce sera à l'extérieur, et vous pouvez aussi venir pour acheter des instruments de musique, des CD, des vinyles, des partitions, du matériel son, la lumière, des bijoux, des tatouages, des photographies, plein de choses comme ça. Donc je vous conseille d'y aller vraiment et de réserver cette date. Donc ça sera à Talcy dans le 41, dimanche 10 septembre 2023. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va écouter encore un morceau des Shaking Mets. Encore avant, on va écouter le groupe Comintern Sect avec Que restera-t-il de toi. Et puis de toute façon, on se revoit dans quelques temps, dans quelques secondes, quelques minutes. On en reparlera un petit peu parce que j'ai pas mal encore de choses à vous annoncer avant la fin de cette émission. Restera-t-il de toi, les Comintern Sect? Souvenir, hein, ça, Tangerine, interprété par Barricade, c'était dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, lors de leur passage, donc les Barricades, que je salue bien bas, parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, et j'aimerais bien revoir très bientôt sur scène, ou alors même dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, pourquoi pas. Là, on va écouter un petit instrumental de Joël Dubreuil, ça s'appelle Joe, et là-dessus, bah, je vais vous dire quand même certaines choses. Alors voilà, aujourd'hui, c'est l'émission numéro 565, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Donc la semaine prochaine, on fera la 566, si vous avez bien suivi. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, donc nous allons recevoir Alex Lebail, qui sera notre invité. Il viendra pour nous parler justement de pas mal de choses qui vont se passer à la rentrée, puisque c'est la rentrée de, pour beaucoup de, d'artistes. Donc on va commencer à parler de plus en plus de concerts et de choses comme ça. Voilà, donc la semaine prochaine, Alex Lebail dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Première chose. Deuxième chose, bah voilà, cette émission, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai pas vu le temps passer. 3 heures d'émission, bah finalement, c'est trop rapide, hein. Surtout qu'on a tellement d'artistes, de bons artistes dans la région orléanaise et ailleurs. Et heureusement qu'on est là pour diffuser des morceaux que, de toute façon, ne passeront jamais dans d'autres radios, puisque nous avons des exclusivités mondiales, hein. Voilà, ça, il faut le dire ça comme ça, quand même. Voilà. Cette émission se termine, on va dire les phrases magiques, auxquelles je vais en rajouter une, hein. Les phrases magiques habituelles. rituel, c'est que rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et puis, on dit aussi cette phrase en anglais, everything is gonna be alright. Voilà. Je vais en rajouter une autre. Alors, c'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde. Et c'est une citation de Nelson Mandela. Voilà. On va dédier cette émission complète, hein, de 3 heures, à Valérie. Donc j'ai appris tout à l'heure la nouvelle. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on ne se quittera pas sans écouter les Brigitte Bop, hein, avec un morceau qui s'appelle Toujours plus fort. Et on écoutera aussi les Shaky Metz avec le troisième opus de cet album. L'album s'appelle Birth, Life and Death. On a écouté déjà la première heure Birth. La deuxième, on a écouté Life, et là on écoutera donc le morceau Def. Vous êtes dans l'émission Mavrika, on est encore ensemble pour quelques minutes, profitez-en bien, et de toute façon on se retrouve la semaine prochaine, hein, y a pas de souci. Je vous souhaite dès maintenant une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine. Arc-en-Ciel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Também há alguma queimadura e que obviamente nós estamos muito preocupados é com essas pessoas que estiveram aqui, com esse agradecimento a todos os operacionais que estiveram a dar a sua vida para proteger aquilo que é dos outros. Miguel Gavinhos, vice-presidente da Câmara do Fundão, há pouco em...